ça n'a rien à voir. Il n'y avait rien à faire, les applis partaient. Hein. Ouais. Bon, même moi, j'étais un peu pistonné parce que je devais aller, comme je l'expliquais, faire le stage de moniteur en Antibes. Mm-hmm. Donc, je serais resté en France. Ouais. Parce qu'il y en avait qui restaient en France. Hein. Ouais. Bon, ceux qui avaient des enfants, un truc comme ça. Mm-hmm. Vous n'étiez pas marié encore? Non, je n'étais pas marié. Même les mariés, quelquefois, ils partaient. Hein. Ouais. Bon, s'ils n'avaient pas d'enfants. Mm-hmm. Oui, il y avait des critères. Oui, il y avait des critères quand même.